Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le président de la Confédération des syndicats du Burundi estime que l'ordonnance ministérielle portant fixation des prix des produits de première nécessité est difficile à appliquer. Célestin Savimana fait remarquer que les prix sont fonction du marché. Et le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, estime que l'impunité est une des causes de la persistance de la corruption au Burundi. Il réagit au rapport de la perception de la corruption publié par Transparency International pour l'année 2024 et plaçant le Burundi au 165e rang sur 180 pays. Et le complexe Teikol de Tora, commune Mugamba de la province Bururi, manque de cueilleurs dotés. La plupart ont abandonné ce travail parce qu'ils ne sont plus nourris comme avant. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'ordonnance ministérielle portant fixation des prix des produits de première nécessité est difficile à appliquer sur le territoire national car les prix varient en fonction du marché. Analyse Célestin Savimana, président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu. Il demande par contre au gouvernement du Burundi de voir comment collecter les vivres dans des stocks stratégiques lorsqu'il y a surproduction afin de faire face à une éventuelle pénurie. Suivez Célestin Savimana, président de la Kosibu. Je pense que le commerce, c'est le mécanisme du marché, la loi de l'offre et de la demande. Vous ne pouvez pas réglementer des prix pour des produits dont il n'est pas le détenteur ou le producteur. Donc, le ministère du Commerce n'a pas de stock de haricots, n'a pas de stock, je ne sais pas, de viande, n'a pas de stock de tel produit. Donc, il ne peut pas réglementer les prix. Donc, le détenteur de ce produit, il fixe le produit en vertu du coût de revient d'acquisition du produit et il mène un bénéfice. Vous ne pouvez pas faire autrement. Le commerce, c'est comme ça. C'est la loi de l'offre et de la demande. Alors, de mon avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parfois, tu vois comme la Nagesa, vous achetez la production. Il arrive qu'il y a des pics de production ou peut-être vous trouvez qu'il y a une surproduction. Comme ça, vous achetez à un prix faible. Comme ça, vous stockez ça. Alors, le jour où les prix montent à cause de la rareté du produit, vous vendez. Donc, c'est comme des coopératives ou comme style à Nagesa. Je pense que le ministère du Commerce devait s'orienter dans cette direction. Je ne vois pas comment vous allez dire à un boucher de vendre la viande à 20 000 francs, ne sachant pas comment il a acheté la viande, comment il a transporté la vache en cette période de pénurie de carburant, comment il a les frais d'abattage, les frais d'arrivée au marché côté bout, et vous allez fixer arbitrairement 20 000 francs. Ce n'est pas possible. Donc, ça peut être même moins. Tout dépend. S'il y a beaucoup de vaches à abattre, s'il parvient à trouver du carburant pour amener son bétail à l'abattoir, le kilo peut être à 15 000. Mais vous n'allez pas dire que c'est vous qui va fixer son prix. Ce n'est pas possible. Logiquement, ce n'est pas possible. Mais l'État est garant de la bonne marche de la nation, de ce qui se passe même de l'économie nationale. Il peut subventionner chez le boucher, chez le producteur. Le prix de revient de ce kilo de viande peut être 30 000 francs. L'État va voir comment rembourser à ce boucher les 10 000 de différentiel. Le boucher va vendre 20 000 au consommateur afin d'atténuer le poids que subissent les consommateurs en cet état de crise économique. Célestin Savimana, c'est le président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu. L'impunité est une des causes de la persistance de la corruption au Burundi. Propos du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, après la publication du rapport de perception de la corruption par Transparency International pour l'année 2024 et plaçant le Burundi au 165e rang dans 180 pays. Gabriel Rufyiri appelle les Burundais à mettre en œuvre les instructions du chef de l'État qui leur demande de conjuguer les efforts pour éradiquer la corruption. La corruption au Burundi, c'est une réalité. Surtout, on sent la corruption au niveau des conséquences. La corruption est une menace pour la démocratie. La corruption est une menace pour le développement. La corruption est considérée comme une pomme de terre pourrie. Les personnes corrompues ne pensent qu'à leurs propres intérêts. C'est la raison pour laquelle le Burundi a cette place. Quand même, là où nous plaçons notre espoir, c'est que le chef de l'État a compris que la corruption est une menace pour le pays en général et le développement en particulier. D'où il a organisé une retraite qui a été tenue le 21 et le 22 février au palais Tokiriri, où il a été décidé de mettre en place une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Donc, comme ça a été vu comme une menace, il a été par la suite, donc moins d'un mois, l'organisation d'une retraite. Cette fois-ci, des experts de haut niveau qui sont allés rédiger cette stratégie avec des actions concrètes, avec un timing, avec une évaluation chaque 3 mois de mise en œuvre de cette stratégie nationale de lutte contre la corruption. Donc, c'est possible, mais il doit y avoir des hommes et des femmes intègres parce que ça a été vu que les corrompus, une fois qu'ils sont devenus forts plus que l'État, c'est sont des gangs qui veulent tout diriger, tout coordonner. Gabriel Ruffieri, président de l'Olucom. Les violences conjugales sont un obstacle au développement du pays car ce dernier dépend de celui de la famille, d'après une journaliste qui a créé le magazine Mukenyezi pour promouvoir les droits des femmes. Diane Ndonsé intervient pour réagir au cas de violences conjugales observées dans différents endroits ces derniers jours, dont des assassinats. Elle propose qu'il y ait une synergie des différents intervenants pour que les lois sévissent contre les coupables de ce genre d'abus. Ces violences basées sur le genre font obstacle au développement intégral du pays du fait qu'il y a de l'impunité. Première chose, je pense que c'est d'abord le fait qu'il y a de l'impunité. Les auteurs ne sont pas punis conformément aux lois qui sont en place. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas vraiment des cas ne sont pas dénoncés tant qu'il n'y a pas encore des tueries qui s'observent dans les communautés. Pourtant, il y a les violences psychologiques, il y a les violences économiques, il y a les violences physiques qui sont très nombreuses. Moi, je pense qu'il faut alors dénoncer à partir de ces violences psychologiques parce qu'arriver au point d'être tué, il y a des violences qui ont déjà commencé. Il faut qu'il y ait une synergie de force entre l'État, les associations de la société civile, toutes les parties prenantes pour mettre en place ce mécanisme d'alerte pour dénoncer à temps, pour prévenir à temps, pour qu'il y ait une discipline au sein des ménages. Parce que souvenez-vous que le développement du pays trouve fondation au développement de la famille, selon la constitution burundaise. C'était Diane Ndonsé, elle est directrice du magazine Umukenyezi qu'elle a créé. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le complexe Teikol de Tora en commune Mugamba de la province Bururi fait face au manque de cueilleurs de thé. Il n'y reste que 32 sur plus de 120 employés affectés au bloc industriel. D'autres ayant abandonné le travail parce qu'ils ne sont plus nourris comme en 2022, selon des sources sur place. Le directeur général de l'Office du thé du Burundi envisage la reprise de la restauration de ces cueilleurs de thé à moins cher mais à crédit. Zenon Zambiman. Certains de ces cueilleurs de thé dans les champs des blocs industriels du complexe Teikol de Tola en commune Mugamba de la province de Bururi ont abandonné un an un seul travail depuis la suspension du projet qui les rationnait au travail pour maîtriser leur mouvement en 2022, selon les informations sur place. Aujourd'hui, il ne reste que 32 employés cueilleurs sur plus de 120 qui étaient affectés dans ces blocs industriels, selon le gérant du complexe Teikol de Tola. Ingénieur Eric Ndouayezu ajoute qu'il essaie toujours de chercher d'autres cueilleurs, mais sans succès. Le constat est que le thé de ces blocs industriels n'est plus récolté à temps, ce qui est à l'origine de la chute de la production dans ces blocs industriels jusqu'à sa moitié, comme le confirme l'ingénieur Eric Ndouayezu, bien qu'il ne précise pas les données réelles en quantité. Le directeur général de l'Office du thé du Burundi explique que la suspension du projet qui rationnait ces cueilleurs du thé a été prise en 2022 sur demande de ses employés qui réclamaient l'augmentation de leur salaire, un salaire qui est finalement passé de 80 10 francs burundais par kilogramme du TKI à 150 francs burundais. Ingénieur Jire Mukundwa estime qu'avec les 150 francs burundais par kilogramme de feuilles KI, chacun pouvait facilement gagner une somme de 10 000 francs burundais par jour et ainsi payer sa ration. Pour trouver une solution à ce problème, ingénieur Jire Mukundwa dit que l'OTB compte engager d'autres cueilleurs et les rationner au travail à moins cher, mais chacun devra payer la facture de la ration à la fin de chaque mois. Dopi Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Merci Zenon. Et dans les nouvelles des provinces à Gitega, les habitants de la colline Ergueza Meño en commune Makebuko disent qu'ils cohabitent bien indépendamment de leurs différences politico-sociales, ajoutant qu'ils se préparent pour les élections prochaines en toute sérénité. Ce qui est confirmé par le chef de cette colline qui leur demande de pérenniser ce comportement. Gérard Nibigira. Les habitants de la colline Gwezameño, zone Maramvia, commune Makebuko, province Gitega, indiquent que la cohabitation entre eux est très bonne, que ce soit politiquement, que ce soit socialement. Politiquement, ils expliquent qu'il n'y a ni chicanerie, ni agression ou discrimination liées aux appartenances politiques. Et socialement, à eux de préciser qu'ils vivent une cohésion sociale sans exclusion aucune, sans considération d'appartenance à l'une ou l'autre composante sociale du pays, et que plutôt, ils partagent tout entre eux et participent ensemble à différentes fêtes sociales qu'ils organisent dans leurs familles respectives. Ces affirmations sont confirmées par la cheftaine de la colline Gwezameño, Madame Floride Nshimirimana, qui souligne que ses dirigeants écoutent et appliquent les conseils qui leur sont prodigués. Ainsi, elle leur demande d'aller toujours de l'avant. Étant donné alors que la période électorale approche, les habitants de la colline Gwezameño font savoir qu'ils s'y préparent les pieds posés sur terre et promettent de garder et pérenniser leur cohésion avant, pendant et après les élections comme ils ont l'habitude de le faire. Ils terminent en disant que la période électorale ne les détournera pas de leurs activités quotidiennes de développement et que plutôt ils suivront le processus électoral tout en continuant à les exercer. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Inauguration d'un centre de développement des sports appelé Dojo et en termes techniques offert à la Fédération burundaise de karaté. C'était ce mardi par l'ambassade de France au Burundi. L'ambassadeur Sébastien Minot indique que son ambassade a financé cette infrastructure à hauteur de 100 000 euros. Lydia Seke, la présidente du comité national olympique, appelle quant à elle le gouvernement à ne pas diminuer le budget réservé aux athlètes. Omer Ndouayo. Lors de l'inauguration de ce centre du développement de karaté ce mardi, Sébastien Minot, l'ambassadeur de France au Burundi, affirme que la France est toujours prête à appuyer de telles initiatives. Ce dojo a été financé par l'ambassade de France au Burundi à hauteur de 100 000 euros et plus qu'une infrastructure. Grâce à cet équipement multisport édifié à Buterere, le Burundi se dote d'un espace capable d'accueillir des compétitions internationales dans divers sports de combat, mais aussi dans d'autres disciplines comme le badminton, le volleyball ou le tennis de table. La France est convaincue que le sport est un puissant levier d'éducation et de développement. C'est pourquoi nous continuerons à accompagner des initiatives comme celle-ci qui offrent aux jeunes talents burundais un cadre propice à se surpasser et à rêver de grandes choses. Lydia Sekera, présidente du comité national olympique, demande au gouvernement du Burundi de toujours appuyer financièrement les athlètes. Je profite de cette occasion pour solliciter au gouvernement du Burundi de ne pas diminuer le budget alloué à la jeunesse et aux activités sportives. En effet, la participation active de la jeunesse pour atteindre les objectifs d'un Burundi pays émergent en 2040 développé en 2060 demande que notre pays ait eu des jeunes en bonne santé, disciplinés, courageux, des jeunes ayant des valeurs comme l'amitié, le respect, l'excellence et le fair play. Toutes ces valeurs, on les retrouve dans le sport. Le ministère et le sport dans ses attributions se dit préoccupé par d'autres infrastructures sportives dont l'aréna destinée à accueillir le basketball, le volleyball et le handball, dit le ministre Jehovah Abayeho. Puisque l'occasion m'est offerte, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, à cette même occasion, l'occasion de l'audience, nous avions exprimé nos autres besoins les plus ardents en matière d'infrastructures sportives, notamment des mini-terrains de football pour nos jeunes talents, une salle omnisport dénommée Arena qui abriterait des terrains de basketball, de volleyball et de handball, sans oublier la nécessité d'un soutien dans le développement des sports de masse, dans le but de détecter des talents depuis la colline, la commune et la province. Car le sport renforce l'unité, la cohésion sociale, c'est aussi un tremplin de développement intégral de l'homme. Dans cette optique, nous comptons fermement à l'entremise de l'ambassade de France au Burundi, au Comité national olympique et aux présidents de différentes fédérations pour trouver un palliatif à ce défi à travers des actions de plaidoyer auprès de partenaires variés. Christophe Nkurunziza, président de la Fédération burundaise de karaté, salue les efforts déjà consentis pour la construction de ce dojo. Il affirme néanmoins qu'ils vont tout faire pour la promotion de ce sport. Parle, rassure-moi. La chronique Parle, rassure-moi de ce mercredi revient sur le langage adéquat en période électorale. Des habitants de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura estiment qu'un tel langage apaise et rapproche les différents groupes. Richard Ngunzimana, sociologue, suggère qu'on commence déjà une campagne de sensibilisation sur une communication non violente. Mireille Kanyang. Un langage adéquat en période électorale facilite la cohésion entre groupes d'opinions politiques différentes selon ces habitants de la commune Mutimbuzi. La sensibilisation des politiques et la population sur ce genre de langage devrait déjà commencer pour préparer les esprits, suggère Richard Nkunzimana, sociologue. Il est préférable que, avant les élections, comme dans cette période-ci, le gouvernement, les médias, la société civile puissent promouvoir une communication adéquate qui pourra atteindre les moments des élections avec une population plus ou moins stable, apaisée, pour aboutir à des élections saines. Généralement, la première chose à faire, c'est de sensibiliser la population pour que la population comprenne que après les élections, après cette compétition, ils vont cohabiter, ils vont vivre ensemble. Selon toujours lui, les politiques devraient user d'une communication non violente en cette période. Il faut que les hommes politiques usent une communication qui ne blesse pas, une communication qui ne divise pas la population pour des intérêts ou des spéculations. Normalement, dans une société, on a toujours besoin de communiquer. Alors, pour atteindre leurs objectifs, les hommes politiques devraient communiquer, je dirais, en utilisant une communication non violente pour ne pas diviser la société. De son côté, Emmanuel Misigaro, conseiller communal de Mutimbuzi, chargé des questions économiques et du développement, trouve qu'un langage non violent devrait guider les politiques en cette période. La période électorale est d'une courte durée, raison pour laquelle les responsables des partis politiques et la population en général devraient tous éviter un langage blessant l'autre. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ne tournez pas le bouton. Les programmes de Radio Isanganiro continuent. Jean Bosco, Douimana.